sous les lueurs, le jour s'éteint. Chaque pas porte un nouveau destin. Je suirai lorsque la voix sincère. Un souffle brut gravé dans la chair. Vos regards brillent comme des flammes. Chaque cri s'élève au fond des âmes. Je marche encore dans vos silences. Chaque mot devient espérance. Je prends vos peurs, vos douleurs. Je les transforme en ferveur. Chaque fureur retient ma voix. Chaque vibration vous mène à moi. Je suis la flamme qui ne s'éteint pas. Le rythme inscrit au fond de toi. Je suis le souffle qui vous entraîne. La lumière qui brille dans vos veines. I am the golden soul you feel. The rhythm you can't disguise. A thunder half lullaby. The fire behind you, your eyes. Born of silence. Carved in flame. Written in scars in truth. I am right, skill eternal. And I sing because of you. Chaque sourire éclaire ma route. Chaque note efface le doute. Je danse encore dans vos regards. Chaque pas brûle comme un phare. Je prends vos ombres, vos couleurs. Je les absorbe en mes ardeurs. Vos voix s'élèvent comme une prière. Un chant vibrant qu'emplit la terre. L'aube s'incline. Chaque lumière devient divine. Je suis le cri qui traverse le temps. Je suis le chant de vos instants. I am the golden soul. Because of you. Sous les étoiles, je chante encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis Radeski, je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines, je laisse ma voix. Je suis la vérité qui vit en toi. Et même quand le jour viendra, mon chant est éternel. Alice Keys.